Psaume 4. Psaume de David, donné au maître chantre, pour le chanter sur Néguinot. Ô Dieu, de ma justice, puisque je crie, réponds-moi. Quand j'étais à l'étroit, tu m'as mis au large, aie pitié de moi, et exauce ma requête. Gens d'autorité, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle diffamée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, et chercherez-vous le mensonge? C'est là. Or sachez que l'Éternel s'est choisi un bien-aimé. L'Éternel m'exaucera quand je crierai vers lui. Tremblez, et ne péchez point, pensez en vous-même sur votre couche, et demeurez tranquille, c'est là. Sacrifiez des sacrifices de justice, et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir des biens? Lève sur nous la clarté de ta face, ô Éternel. Tu as mis plus de joie dans mon cœur, qu'ils n'en ont autant que leur froment, et leurs meilleurs vins ont été abondants. Je me coucherai, et je dormirai aussi en paix, car toi seul, ô Éternel, me feras habiter en assurance.